du street. Lacrymose pro, escamicaz, la soupica, ok. Yeah, ça m'énerve de voir Châtelet en chantelet, chôtelet. Voir des chats aller, achetez-le, c'était à Châtelet. Donc fait tourner le shit, allez, juste histoire que j'ai compris. J'en ai marre que dans les grandes procès, leur CD compresse. Ils font plein de caprices et n'arrêtent pas de se régaler. Squat des soirées galas, de stars qui désirent égaler. Je vois des fans, des heureux gueulés, juste pour avoir un autographe. Pendant que nous on fait la promo, juste en posant un autre graphe. On est plein de délicatesse, yeah. Mais à cause de l'influence de ces bouffons, notre son, on pourra le dealer quand est-ce. Percer, ça rendement, alors il faut serrer des mains pour assurer son rendement. Et très très vite ça redémarre. C'est chaud que tu réussis cité, suite la rue et c'est cité. Très vite on récit s'éteint, c'est très dur de ressusciter. J'avoue que ça me saoule aussi, je suis pas le seul ici à se lasser. Mais notre kiff c'est le son, rien nous empêchera de se lancer. Fuck les meufs distraites qui en disent trop sur l'industrie. Des chanteurs destroyés qui en douce tri. 91 mon district, c'est pour lui que j'ai postulé. Car j'en ai marre de voir des stars en carton sur mon poste télé. Fuck les meufs distraites qui en disent trop sur l'industrie. Des chanteurs destroyés qui en douce tri. 77 mon district. C'est pour lui que j'ai postulé. Car j'en ai marre de voir des stars en carton sur mon poste télé. On va pas lâcher, MC intérimaire. Mani, j'compte pas lâcher. J'ai plus l'âge de traiter ta mère. Mais je viens te calacher. T'as qu'à gâcher, gros. Moi j'suis pépère avec mon panaché. Sans plus qu'est-ce qu'il y a entre deux, sont capables de tout arracher à cousine. Zine, on tape les rimes à l'usine. Zine, t'hallucines. Zine, c'est comme tu mois à la piscine. Zine, mon travail sort du labo. Sentiné de la beuh. En deux secondes que t'es labreux. Sans avoir de la baie. Sur mesure, sur pas de défaut de fabrication. Patine d'usure sur nous en deux heures en deux fabrications. Pas de bras cassés. Pas de bras cassés. Gros dans ma société, ceci étant. Avant de valider, je recherche la qualité. ISO 9000, je suis systémique dans ma stratégie. Et non débile, puis le système tonique, tu deviens tétraplégique. Paralyser mon strap, c'était mes plans et leur description. Réaliser le massacre des clans et leur destruction. Fuck les meufs distraites qui en disent trop sur l'industrie. Des chanteurs destroyés qui en douce tri. 91 mon district, c'est pour lui que j'ai postulé. Car j'en ai marre de voir des stars en carton sur mon poste télé. Fuck les meufs distraites qui en disent trop sur l'industrie. Des chanteurs destroyés qui en douce tri. 77 mon district, c'est pour lui que j'ai postulé. Car j'en ai marre de voir des stars en carton sur mon poste télé. Beaucoup de jetons s'égocient, oh my. Avec mes nègres aussi, je rêve aussi. À chaque contrat, l'espoir se négocie. On l'ego suivant, à l'âge de fils, les dés sont difficiles. On se lève ensuite, vent dans son pour des sous des fossiles. Le vide docile, on sort des sons dès la naissance fossile. Si le flow suit, tout sens qu'on perd de leur qu'on perd ses signes. Rap ça l'enchaîne, les chaînes qui nous faire caresser les chines. Les seuls en scène, des musicales, on aura les citernes, chauffant la salle. Chaud en solo, quand t'es calme, on s'éterne, quand tu souterres, je me soupire. Souris quand tu veux m'assouplir, garde le sourire devant la sueur. Et la soupe servie par mes pères. Sera pas du strip, sans être sous, je veux pas qu'on m'y plaire. Sans être fou, on rêve de ses pères, en roulant son hyper. Quand même un perdu, on veut pas que t'en galère perdu. Bois ton gicle là-bas, pas qu'un perdu. Perdu. Fuck les meufs distraites qui en disent trop sur l'industrie. Des chanteurs destroyés qui en douce tri. 91 mon district, c'est pour lui que j'ai postulé. Car j'en ai marre de voir des stars en carton sur mon poste télé. Fuck les meufs distraites qui en disent trop sur l'industrie. Des chanteurs destroyés qui en douce tri. 77 mon district, c'est pour lui que j'ai postulé. Car j'en ai marre de voir des stars en carton sur mon poste télé. Fuck les meufs distraites qui en disent trop sur l'industrie. Des chanteurs destroyés qui en douce tri. 91 mon district, c'est pour lui que j'ai postulé. Car j'en ai marre de voir des stars en carton sur mon poste télé. Les meufs distraites qui en disent trop sur l'industrie. Des chanteurs destroyés qui en douce tri. 77 mon district, c'est pour lui que j'ai postulé. Car j'en ai marre de voir des stars en carton sur mon poste télé.